J'aurais bâti des temples, démoli des frontières, repoussé quelques vents sans doute, détourné des rivières, franchi les plus hauts sommets de montagne, enneigé en hiver, libéré les innocents du bagne, qu'ils retrouvent leur mère. Si l'on m'avait pas coupé la route, si seulement j'avais su passer entre les gouttes, si l'on m'avait pas coupé la route. J'aurais rempli les ventres des gens de la misère qui donneraient tout pour quelques gouttes d'eau pure sur leur terre. J'aurais pu faire barrage aux campagnes, aux actions militaires, donner au monde un peu plus de charme, que l'on en soit plus fier. Si l'on ne m'avait pas coupé la route, si seulement j'avais su passer entre les gouttes, si l'on ne m'avait pas coupé la route. J'aurais montré l'exemple, chose que je n'ai pas su faire. Fait couler beaucoup d'encre sans doute, et je n'en suis pas peu fier. J'aurais pendu haut et court cette race du criminel de guerre, des géniteurs de Slobodan au créateur d'Hitler. Si l'on ne m'avait pas coupé la route, si seulement j'avais su passer entre les gouttes, si l'on ne m'avait pas coupé la route. J'avais su passer entre les gouttes si on m'avait pas coupé la route.